Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes samedi, le 2 octobre 2021. Le journal en français de ce soir, les titres. Les voies sont tracées pour dire assez à la violence contre l'ancien chef de l'État, Sylvestre Ntibantunganya. Il a dit en marge de la célébration de la journée de la non-violence. Le gouverneur de la province de Ubanza recommande à la population d'appliquer scrupuleusement les mesures barrières de lutte contre le COVID-19 qui continue à se répandre dans cette province. Et plus de 50 hectares d'arbres plantés dans la province de Ruyigi, dans le projet Weburundi, Urambaye, sont déjà partis en fumée cette année. Voilà pour les titres. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubguimana. À la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Bienvenue. Ouvrons cette édition par la page de sécurité de Grenade ont été trouvés le matin de ce samedi dans la route à Gako sur la colline Moussegni de la commune Manda. C'est dans la province de Bubanza. La police les a après récupérés selon la même source. Et le chef de colline Moussegni, Gervais Ndahabonye, fait savoir que celui qui a mis ses grenades dans la route n'a pas été identifié. Les autorités administratives et policières indiquent que les enquêtes ont déjà commencé. Le Burundi a connu des cycles de violence et constant de l'ancien chef d'État, Sylvestre Ntibantunganya. Selon lui, des voies sont tracées pour dire assez à la violence. C'est au moment où ce 2 octobre, le monde célèbre la journée de la non-violence. Écoutez plutôt Sylvestre Ntibantunganya. Quand on voit comment la vie politique dans ce pays a connu beaucoup de problèmes et marqués justement par des violences et qui ont emporté des chefs d'État, qui ont emporté des chefs de gouvernement. Maintenant, ce n'est pas seulement ces assassinats qui ont concerné de grandes personnalités, mais ce sont également les violences de masse que ce pays a connues dans le passé. C'est donc aujourd'hui une journée dont nous les Burundais, nous devrions profiter pour nous regarder dans le miroir tel que nous avons été, tel que nous sommes, et mieux nous projeter, non seulement pour l'avenir, mais aussi pour aujourd'hui en disant assez à la violence dans les revendications politiques. Les voies sont tracées, c'est le respect de l'homme dans les droits d'égalité garantis à tout citoyen par notre texte constitutionnel. Et si cela est respecté, à mon avis, je crois qu'on serait en train effectivement de nous engager dans une voie qui nous libère justement de ces travers ô combien déshumanisants du passé. Quel est le message que vous pouvez lancer par rapport à ceux qui revendiquent ces différentes attaques qui ont été perpétrées ici à Bujumbura et partout dans le pays? La violence ne paye pas. Surtout quand c'est une violence qui semble être guidée par d'autres soucis. Et je crois que ce qu'ils ont fait, ils ont revendiqué ça, et le faisaient par souci de communication. Pour dire, écoutez, c'est une occasion, comme le président va sortir, c'est justement dans le cadre de la violence. Alors que maintenant, on a beaucoup plus besoin de messages de paix, de comportements dans la paix et pour la paix. Quand vous êtes en train de bâtir une nation, surtout quand vous êtes un leader, vous devez savoir qu'il peut arriver un moment où, comme je le dis souvent, vous devez être à même de manger vos propres douleurs pour justement générer le bonheur des citoyens. C'est très important pour les leaders. Donc, ce qui a été fait ces derniers jours, à mon avis, est totalement inapproprié, totalement à condamner. Il faut plutôt chercher les voies les meilleures à travers lesquelles on puisse s'exprimer. Selon toujours l'ancien chef d'État, Sylvestre Ntibantunganya, le Burundi est de retour sur la scène diplomatique après la participation du chef de l'État dans différents forums internationaux, sans oublier aussi la participation du président Ndayishimiye à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Encore une fois, président Sylvestre Ntibantunganya, les propos ont été recueillis par Meda Nyonguru. Je crois que le Burundi est de retour au plus haut sommet sur la scène diplomatique internationale. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par la région. Parce qu'on voit que depuis que le président Ndayishimiye occupe les fonctions suprêmes dans ce pays, on voit qu'il y a des choses qui bougent dans la diplomatie burundaise. On voit qu'il y a des choses qui bougent au niveau de la région. Quand on voit les visites qu'il a déjà effectuées dans la région, dans certains pays de la région, mais aussi quand on voit ce souci qui guide les diplomaties burundaises et rwandaises pour améliorer les relations entre ces deux pays que certains qualifient de pays jumeaux. Quand vous voyez les participations que le chef d'État a assumées dans les forats régionaux, je vois par exemple ses participations dans le cadre de la CIAC, etc. Quand vous voyez comment aujourd'hui sont entreprises des actions visant l'amélioration des relations entre le Burundi et l'Union européenne. Et quand vous voyez, encore une fois, cette participation du chef de l'État à la 76e Assemblée générale des Nations unies. Donc là, c'était une première sortie à ce niveau, pratiquement, j'allais dire, depuis plus de 5 ans. Donc c'est quelque chose qui montre que le Burundi est de retour sur la scène internationale et qu'il y a une volonté qu'on constate d'améliorer nos relations avec les voisins, avec les jumeaux frères, avec l'ensemble de la communauté internationale. Continuons cette édition par Diplomatie. Les conventions entre le Burundi et le Nigeria dans les domaines de l'éducation et de la santé sont en cours de traitement et seront mises en œuvre bientôt. Cela a été dit le soir de ce vendredi par l'ambassadeur de Nigeria à Burundi lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Nigeria. Ferdinand Bashikako, secrétaire permanent au ministère burundais des Relations extérieures, a demandé aux hommes d'affaires nigériens de venir au Burundi pour investir. Les détails avec Sheila Irambon. La commission chargée de concrétiser la coopération entre le Nigeria et le Burundi est mise sur pied. C'est une affirmation de l'ambassadeur du Nigeria au Burundi. Prosper Njimbele, chargé de la communication à l'ambassade du Nigeria, précise que des conventions entre le Burundi et le Nigeria dans les domaines de l'éducation et de la santé seront mises en œuvre bientôt. On a fait une inauguration d'une commission mixte entre le Burundi et le Nigeria qui va aider les deux pays à faire une coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine de la santé. Il a aussi signalé qu'on a eu une visite des hauts cadres de l'armée, de la police qui a visité le Burundi pour faire une collecte de données sur certaines matières où le Burundi peut servir d'un exemple. De son côté, Ferdinand Bashikako, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, qui a représenté le gouvernement dans ses festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, a invité les opérateurs économiques de ce pays à investir au Burundi. Le Burundi a accueilli dernièrement la délégation nigériane venue pour la session inaugurale de la commission mixte et permanente entre le Burundi et le Nigeria. À cette occasion, deux mémorandums d'entente ont été signés entre le Nigeria et le Burundi. Il s'agit du mémorandum d'entente dans le domaine de l'éducation et du mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Je profite de cette occasion pour vous inviter à informer les hommes d'affaires et femmes d'affaires du Nigeria pour venir investir au Burundi dans divers secteurs. À cette invitation, le diplomate nigérian répond par l'affirmative. Ils sont en train de voir les possibilités d'avoir un vol direct de Bujumbura à Abuja, mais c'est un projet qui va se réaliser d'ici quelques années. Il a aussi dit qu'il y a une possibilité d'avoir des visites d'État où les deux présidents des deux pays peuvent se rencontrer pour discuter quelques accords qui peuvent être signés en ce qui concerne les différents domaines d'actualité dans nos pays. Le Nigeria a accédé à son indépendance sur le 1er octobre 1960, après le joug colonial britannique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h passé de 10 minutes, le journal continue. Les récentes attaques observées dans différentes localités du pays prouvent qu'il y a des armes détenues par la population. Cela figure dans les divers du Conseil des ministres tenu ce mercredi de cette semaine. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été indiqué qu'il y a une organisation qui est prête à appuyer le gouvernement pour que la population ait de la carte d'identité biométrique à bas prix. Suivez Prosper Naogwami, secrétaire général de l'État. En divers, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a fait le point sur l'état de la sécurité dans le pays. Il a indiqué que les actes de terrorisme ont été observés ces derniers jours dans le pays, mais que des cas de lancement de grenades sont observés aussi à la suite de disputes entre individus, signalant les cas de Ruziba et de Gatumba. Il a indiqué que cela démontre malgré tout qu'il y a encore des armes détenues par la population et qu'un encadrement de la population par les administratifs est nécessaire. Son Excellence Monsieur le Président de la République a informé le Conseil des ministres qu'en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations unies à laquelle il a participé. Il a rencontré une organisation qui est prête à appuyer pour que les Burundais obtiennent la carte d'identité biométrique à moindre coût. Comme son projet coïncide avec la préparation du recensement général prévu en 2022, les ministres en charge de l'Intérieur, des Finances, ont été invités à entrer en contact avec cette organisation pour que les deux activités se complètent. Continuons avec Page Environnement, où plus de 50 hectares d'arbres plantés dans la province de Ruigi dans le projet Burundi Urambaï sont déjà partis en fumée cette année. À l'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement de Ruigi, on fait savoir que les arbres déjà plantés dans ce projet diminuent chaque année suite au fait de brousse à la coupe des arbres par ceux qui cherchent des espaces à cultiver. Melchisedek Nizigimana, responsable de l'OBP à Ruigi, propose la poursuite de la sensibilisation de la population sur la prévention des faits de brousse. Jean-Claude Chimiriman. L'effet de brousse constitue la première cause de déforestation annuelle des arbres plantés dans la province Ruigi dans le cadre du projet Ewe Burundi Urambaye. C'est Melchisedek Nizigimana, responsable de l'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Ruigi, qui présente la situation. Il y a surtout des faits de brousse. L'année passée, 1008 hectares avaient été incendiés et cette année, nous sommes déjà à 527,41 hectares. Cette année, plus de 50 hectares d'arbres ont été incendiés. En tout, la préparation des pépinières et le repiquage auraient coûté plus de 14 millions. Il poursuit en disant que ceux qui cultivent sur les montagnes menacent eux aussi les arbres plantés dans le cadre du projet. En plus, certaines personnes coupent les arbres ou provoquent leur dessèchement en se servant du sel ou en les écorçant pour avoir des espaces à cultiver, surtout sur la chaîne de montagne Mungwe. D'autres menaces soulevées sont notamment les termites qui rongent les plants d'arbres repiqués et les animaux domestiques qui les piétinent. Dans une réunion tenue ce vendredi par le cabinet du gouverneur de Ruigi à l'endroit des différents partenaires engagés dans le secteur agricole, Melchisedek Nizigimana fait des propositions en vue d'une meilleure protection de l'environnement. Nous voudrions qu'il y ait poursuite de la sensibilisation sur la prévention des faits de brousse et sur les techniques agricoles. Il faut dissuader la pratique des cultures sur brûlis parce que c'est elle qui est surtout à l'origine des feux de brousse de cette année. Autre chose est possible, comme le gouverneur a pris une décision interdisant les activités agricoles sur les bassins versants ou près des plantations d'arbres qui mettraient à risque l'environnement. Nous voudrions que cette décision puisse être prolongée et être appuyée. De sa part, l'OBPE compte diffuser des arbres qui résistent aux termites, notamment les pinus et autres essences autochtones, a martelé le responsable de l'OBPE Ruigi. Depuis 2019, des plants d'arbres dont l'effectif dépasse légèrement 5 millions et 8 000 ont été repiqués dans la province Ruigi dans le cadre du projet Ewe Burundi Urambaye. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à toi Jean-Claude Chimilimana. De nous à Bubanza, où on parle de la pandémie de COVID-19 qui continue à se répandre dans cette province. Raison pour laquelle le gouverneur de cette province recommande à la population d'appliquer scrupuleusement les mesures barrières telles qu'elles fréquemment annoncées dans différentes sensibilisations. Les représentants des confessions religieuses sont également appelés à augmenter le nombre de messes s'ils ne parviennent pas à la distanciation. C'est ce qui se trouve dans un communiqué sorti ce vendredi par Cléophas Nizigimana, gouverneur de la province de Bubanza. Le mois passé, le district sanitaire de Mhanda a enregistré plus de 70 cas positifs. Le prévexte Pescalitas Kabanyana. Dans son communiqué sorti ce vendredi, le gouverneur de la province de Bubanza dit que la pandémie de COVID-19 se répand avec une grande ampleur dans la province, raison pour laquelle il recommande que les mesures barrières doivent être impérativement appliquées pour le bien de tous. Il indique qu'il s'observe un laisser-faire dans toutes les communes car aucune mesure n'est en train d'être appliquée comme il faut pour lutter contre cette pandémie. Dans ce même communiqué, Cléophas Nizigimana rappelle à toute la population, surtout celles qui se rencontrent dans des lieux publics, d'appliquer les mesures barrières, mais aussi de se faire régulièrement dépister afin de connaître leur état de santé. Et ces mesures sont notamment éviter de se toucher en se saluant, respecter la distanciation, se laver les mains régulièrement, tousser dans la coude, porter des masques quand on fait un déplacement par le véhicule ou dans des assemblées et autres. Les représentants des confessions religieuses sont aussi appelés à asseoir les chrétiens en respectant la distanciation et si ce n'est pas possible, augmenter le nombre de messes comme ça se voit dans ce communiqué. Cléophas Nzigiyimana, gouverneur de Bubanza, fait savoir que 70 cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés le mois passé dans le district sanitaire de Manda, composé des communes de Gihanga, Manda et Rugazi. Un peu avant, c'était moins que ça, même si les chiffres n'ont pas été disponibles selon le gouverneur. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi, Spécialitas Kabanyana. Et bien voilà, c'est par cette nouvelle que nous mettons en point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Alphonse Kugimana était à la mise en onde de cette édition. Jean-Marie Mayonga était à la présentation. Juste après, c'est la revue de la presse. Bonne soirée et bon week-end. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Gestion des épaves, encore un long chemin à faire, constate Burundi Echo. Ce journal explique que 3 ans après la mise en place d'une commission mixte chargée de collecter les véhicules hors d'usage en vue de les revendre, le travail de cette commission reste invisible. De toutes les façons, estime Burundi Echo, ces épaves éparpillées un peu partout constituent non seulement un danger environnemental, mais aussi une grosse perte pour le pays. Notre confrère s'est fait dire que ces épaves sont actuellement dans les mains de l'OBR. Sous d'autres cieux, fait-il remarquer, ces véhicules hors d'usage sont acheminés vers une casse automobile. Celui-ci est un lieu où sont entreposés des véhicules hors d'usage afin d'être dépollués, démontés puis broyés. Une casse automobile moderne serait d'une grande utilité au Burundi, suggère cet hebdomadaire socio-économique. Échec de la canalisation de la Gasenyi, le spectre de 2014 plane, alerte le journal Iwachu. Son confrère rapporte que plus de 6 ans après les inondations d'Ogatunguru, en février 2014, les riverains de la rivière Gasenyi craignent de revivre cette tragédie. La localité n'est pas loin du palais présidentiel Nari House. N'étant pas viabilisée, les habitants se débrouillent pour circuler. Les travaux réalisés pour maîtriser cette rivière ont été réduits à néant, révèle toujours le journal Iwachu. Aujourd'hui, note cet hebdomadaire, ces infrastructures sont dans un piteux état. En effet, la canalisation n'existe presque plus. Des gabions de petites pierres utilisées pour ériger le caniveau ont été détruits, sans oublier la démolition des berges, etc. Cet hebdomadaire fait remarquer que la rivière a retrouvé sa trajectoire d'avant les travaux, puisque les bambous qui avaient été installés de part et d'autre de la rivière ont disparu. Validation de la fiche de l'utilisation de la Dolomie au Burundi. C'est l'agence burundaise de presse qui rapporte qu'une équipe constituée de hauts cadres du ministère de l'Agriculture, de chercheurs en matière agricole et de partenaires techniques et financiers du même ministère a validé le 29 septembre 2021 la fiche d'utilisation de la Dolomie au Burundi et a mis en place la plateforme scientifique pour traiter les questions de recherche et de valorisation des résultats sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture a défini cette technique dans son quotidien. Comme Emmanuel Ndolimana l'a indiqué à la presse, dont la BP, la Dolomie consiste en l'usage de la chaux pour diminuer l'acidité des sols. D'après lui, toujours cité par son confrère, cette technique permettra d'augmenter la productivité des sols et partant la production agricole, expliquant que beaucoup d'agriculteurs burundais n'ont pas encore adopté cette technique, alors que la majorité des sols sont acides, comme l'ont confirmé les études faites par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, le ministère en charge de l'agriculture et l'International Fertilizer Development Center. Revue de la presse. Il s'appelle Pi Girukwigomba. Il était jusqu'au 9 septembre dernier directeur de la prison de Muramvya au centre du pays. Il est détenu à la prison centrale de Mhimba. C'est Net Presse qui l'écrit, en précisant qu'il est poursuivi, tout comme un policier, Jean-Claude Iranhonda, dans un dossier d'évasion de 4 prisonniers qui a eu lieu 2 jours plus tôt, le 7 septembre. Selon des informations concordantes, rapporte toujours ce quotidien en ligne, 4 prisonniers allaient puiser de l'eau en dehors de la maison de détention, accompagnés du policier Iranhonda. Malgré cela, ils en ont profité pour s'évader. L'école n'est plus la pépinière des athlètes. En effet, écrit la voix de l'enseignant, des sportifs se demandent pourquoi le Burundi n'a plus d'athlètes renommés en nombre remarquable. Un enseignant du cours d'éducation physique et sport EPS, qui est devenu sport et santé, propose dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, au ministère de l'éducation et celui en charge du sport, de revenir à l'organisation de l'athlétisme scolaire au niveau du primaire, doter les écoles secondaires du matériel de sport. Cet enseignant, qui s'exprime dans la voix de l'enseignant, fait également une suggestion au ministère en charge du sport. Du côté du ministère ayant le sport dans ses attributions, il propose d'organiser des compétitions communales pour tous les jeunes afin de découvrir les talents, créer des clubs d'athlétisme et surtout encourager les athlètes à tous les niveaux et leurs encadreurs en donnant des prix et autres avantages. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.